Le rideau cramoisi. Il y a tellement d'années, je m'en allais chasser le gibier d'eau dans les marais de l'Ouest. Et comme il n'y avait pas alors de chemin de fer dans le pays où il me fallait voyager, je prenais la diligence de... qui passait à la patte d'oie du château de Rueil, et qui, pour le moment, n'avait dans son coupé qu'une seule personne. Cette personne, très remarquable à tous égards, et que je connaissais pour l'avoir beaucoup rencontré dans le monde, était un homme que je vous demanderai la permission d'appeler le vicomte de Brassard. Précaution probablement inutile. Les quelques centaines de personnes qui se nomment le monde à Paris sont bien capables de mettre ici son nom véritable. Il était environ 5 heures du soir. Le soleil éclairait de ses feux à lentilles une route poudreuse, bordée de peupliers et de prairies, sur laquelle nous nous élançâmes au galop de 4 vigoureux chevaux, dont nous voyions les croupes musclées se soulever lourdement à chaque coup de fouet du postillon. Du postillon, image de la vie, qui fait toujours trop claquer son fouet au départ. Le vicomte de Brassard était à cet instant de l'existence où l'on ne fait plus guère claquer le sien. Mais c'est un de ses tempéraments dignes d'être anglais. Il a été élevé en Angleterre. Qui, blessé à mort, n'en conviendrait jamais et mourrait en soutenant qu'il vive. On a dans le monde, et même dans les livres, l'habitude de se moquer des prétentions à la jeunesse, de ceux qui ont dépassé cet âge heureux de l'inexpérience et de la sottise. Et on a raison, quand la forme de ces prétentions est ridicule. Mais quand elle ne l'est pas, quand au contraire elle est imposante comme la fierté, qui ne veut pas déchoir et qui l'inspire, je ne dis pas que cela n'est point insensé, puisque cela est inutile, mais c'est beau comme tant de choses insensées. Si le sentiment de la garde qui meurt et ne se rend pas est héroïque à Waterloo, il ne l'est pas moins en face de la vieillesse, qui n'a pas, elle, la poésie des baïonnettes, pour nous frapper. Or, pour des têtes construites d'une certaine façon militaire, ne jamais se rendre est à propos de tout, toujours tout à la question, comme à Waterloo. Le vicomte de Brassard, qui ne s'est pas rendu, il vit encore, et je dirai comment plus tard, car il vaut la peine de le savoir. Le vicomte de Brassard était donc, à la minute où je montais dans la diligence de... ce que le monde, féroce comme une jeune femme, appelle malhonnêtement un vieux beau. Il est vrai que pour qui ne se paie pas de mots ou de chiffres dans cette question d'âge, où l'on n'a jamais que celui qu'on paraît avoir, le vicomte de Brassard pouvait passer pour un beau, tout court. Du moins à cette époque, la marquise de V, qui se connaissait en jeunes gens et qui en aurait tondu une douzaine, comme Dalila tondit Samson, portait avec assez de faste sur un fond bleu dans un bracelet très large, en damier or et noir, un bout de moustache du vicomte, que le diable avait encore plus roussi que le temps. Seulement, vieux ou non, ne mettez sous cette expression de beau que le monde a faite, rien du frivole. Du mince et de l'exigu qu'il y met, car vous n'auriez pas la notion juste de mon vicomte de Brassard, chez qui esprit, manière, physionomie, tout était large, étoffé, opulent, plein de lenteur patricienne, comme il convenait au plus magnifique dandy que j'ai connu, moi qui ai vu Brummel devenir fou et d'Orsay mourir. C'était en effet un dandy que le vicomte de Brassard. S'il l'eût été moins, il serait devenu certainement maréchal de France. Il avait été, dès sa jeunesse, un des plus brillants officiers de la fin du Premier Empire. J'ai ouï dire, bien des fois, à ses camarades de régiment, qu'il se distinguait par une bravoure à la Murat, compliquée de Marmont. Avec cela, et avec une tête très carrée et très froide, quand le tambour ne battait pas, il aurait pu, en très peu de temps, s'élancer au premier rang de la hiérarchie militaire. Mais le dandysme... Si vous combinez le dandysme avec les qualités qui font l'officier, le sentiment de la discipline, la régularité dans le service, etc., etc., vous verrez ce qui restera de l'officier dans la combinaison, et s'il ne saute pas comme une poudrière. Pour qu'à 20 instants de sa vie, l'officier de Brassard n'eût pas sauté, c'est que, comme tous les dandys, il était heureux. Mazarin l'aurait employé. Ses nièces aussi, mais pour une autre raison, il était superbe. Il avait eu cette beauté nécessaire aux soldats plus qu'à personne, car il n'y a pas de jeunesse sans la beauté, et l'armée, c'est la jeunesse de la France. Cette beauté, du reste, qui ne séduit pas que les femmes, mais les circonstances elles-mêmes, ces coquines, n'avait pas été la seule protection qui se fût étendue sur la tête du capitaine de Brassard. Il était, je crois, de race normande, de la race de Guillaume le Conquérant, et il avait, dit-on, beaucoup conquis. Après l'abdication de l'empereur, il était naturellement passé aux Bourbons, et pendant les 100 jours, surnaturellement, leur était demeuré fidèle. Aussi, quand les 100 jours, surnaturellement, leur était demeuré fidèle, Aussi, quand les Bourbons furent revenus la seconde fois, le vicomte fut-il armé chevalier de Saint-Louis de la propre main de Charles X, alors monsieur. Pendant tout le temps de la Restauration, le beau de Brassard ne montait pas une seule fois la garde aux Tuileries, que la duchesse d'Angoulême ne lui adressa en passant quelques mots gracieux. Elle, chez qui le malheur avait tué la grâce, savait en retrouver pour lui. Le ministre, voyant cette faveur, aurait tout fait pour l'avancement de l'homme que madame distinguait ainsi. Mais, avec la meilleure volonté du monde, que faire pour cet enragé dandy, qui, un jour de revue, avait mis l'épée à la main sur le front de la bandière de son régiment, contre son inspecteur général, pour une observation de service? C'était assez que de lui sauver le conseil de guerre. Ce mépris insouciant de la discipline, le vicomte de Brassard l'avait porté partout, excepté en campagne, où l'officier se retrouvait tout entier. Il ne s'était jamais astreint aux obligations militaires. Maintes fois, on l'avait vu, par exemple, au risque de se faire mettre à des arrêts infiniment prolongés, quitter furtivement sa garnison, pour aller s'amuser dans une ville voisine, et n'y revenir que les jours de parade ou de revue, averti par quelques soldats qui l'aimaient. Car si ses chefs ne se souciaient pas d'avoir sous leurs ordres un homme dont la nature répugnait à toute espèce de discipline et de routine, ces soldats, en revanche, l'adoraient. Il était excellent pour eux. Il n'en exigeait rien que d'être très brave, très pointilleux et très coquet, réalisant enfin le type de l'ancien soldat français, dont la permission de 10 heures et 3 à 4 vieilles chansons, qui sont des chefs-d'œuvre, nous ont conservé une si exacte et si charmante image. Il les poussait peut-être un peu trop au duel, mais il prétendait que c'était là le meilleur moyen qu'il connût de développer en eux l'esprit militaire. « Je ne suis pas un gouvernement, disait-il, et je n'ai point de décoration à leur donner quand ils se battent bravement entre eux. Mais les décorations dont je suis le grand maître, il était fort riche de sa fortune personnelle, ce sont des gants, des buffleteries, des rechanges, et tout ce qui peut les pomponner sans que l'ordonnance s'y oppose. » Aussi la compagnie qu'il commandait effaçait-elle, par la beauté de la tenue, toutes les autres compagnies de grenadiers des régiments de la garde, si brillantes déjà. C'est ainsi qu'il exaltait à outrance la personnalité du soldat, toujours prête en France à la fatuité et à la coquetterie. Ces deux provocations permanentes, l'une par le ton qu'elle prend, l'autre par l'envie qu'elle excite. On comprendra après cela que les autres compagnies de son régiment fussent jalouses de la sienne. On se serait battu pour entrer dans celle-là, et battu encore pour n'en pas sortir. Telle avait été, sous la Restauration, la position tout exceptionnelle du capitaine vicomte de Brassard. Et comme il n'y avait pas alors, tous les matins, comme sous l'Empire, la ressource de l'héroïsme en action qui fait tout pardonner, personne n'aurait certainement pu prévoir ou deviner combien de temps aurait duré cette martingale d'insubordination qui étonnait ses camarades, et qu'il jouait contre ses chefs, avec la même audace qu'il aurait joué sa vie s'il fût allé au feu, lorsque la Révolution de 1830 leur ôta, s'il l'avait, le souci, et à lui, l'imprudent capitaine, l'humiliation d'une destitution qui le menaçait chaque jour davantage. Blessé grièvement aux 3 jours, il avait dédaigné de prendre du service sous la nouvelle dynastie des d'Orléans, qu'il méprisait. Quand la Révolution de juillet les fit maître d'un pays qu'ils n'ont pas su garder, elle avait trouvé le capitaine dans son lit, malade d'une blessure qu'il s'était faite au pied en dansant, comme il aurait changé, au dernier bal de la duchesse de Berry. Mais au premier roulement de tambour, il ne s'en était pas moins levé pour rejoindre sa compagnie, et comme il ne lui avait pas été possible de mettre des bottes à cause de sa blessure, il s'en était allé à l'émeute comme il s'en serait allé au bal, en chaussons vernis et en bas de soie. Et c'est ainsi qu'il avait pris la tête de ses grenadiers sur la place de la Bastille, chargé qu'il était de balayer dans toute sa longueur le boulevard. Paris, où les barricades n'étaient pas dressées encore, avait un aspect sinistre et redoutable. Il était désert. Le soleil y tombait d'aplomb, comme une première pluie de feu, qu'une autre devait suivre, puisque toutes ces fenêtres, masquées de leurs persiennes, allaient tout à l'heure cracher la mort. Le capitaine de Brassard rangea ses soldats sur 2 lignes, le long et le plus près possible des maisons, de manière que chaque fil de soldats ne fût exposé qu'aux coups de fusil qui lui venaient d'en face, et lui, plus dandy que jamais, prit le milieu de chaussée, ajusté des 2 côtés par des milliers de fusils, de pistolets et de carabines, depuis la Bastille jusqu'à la rue de Richelieu, il n'avait pas été atteint, malgré la largeur d'une poitrine dont il était peut-être un peu trop fier, car le capitaine de Brassard poitrinait au feu, comme une belle femme au bal, qui veut mettre sa gorge en valeur. Quand arrivé devant Frascati à l'angle de la rue de Richelieu, et au moment où il commandait à sa troupe de se masser derrière lui, pour emporter la première barricade qu'il trouva dressée sur son chemin, il reçut une balle dans sa magnifique poitrine, deux fois provocatrice, et par sa largeur, et par ses longs brandebourgs d'argent, qui y étincelaient d'une épaule à l'autre, et il eut le bras cassé d'une pierre, ce qui ne l'empêcha pas d'enlever la barricade et d'aller jusqu'à la Madeleine, à la tête de ses hommes enthousiasmés. Là, deux femmes en calèche, qui fuyaient Paris insurgé, voyant un officier de la garde blessé, couvert de sang et couché sur les blocs de pierre qui entouraient à cette époque-là l'église de la Madeleine, à laquelle on travaillait encore, mirent leur voiture à sa disposition. Et il se fit mener par elle au Gros Caillou, où se trouvait alors le maréchal de Raguse, à qui il dit militairement « Maréchal, j'en ai peut-être pour 2 heures, mais pendant ces 2 heures-là, mettez-moi partout où vous voudrez. » Seulement, il se trompait. Il en avait pour plus de 2 heures. La balle qui l'avait traversée ne le tua pas. C'est plus de 15 ans après que je l'avais connu, et il prétendait alors, au mépris de la médecine et de son médecin, qui lui avait expressément défendu de boire tout le temps qu'avait duré la fièvre de sa blessure, qu'il ne s'était sauvé d'une mort certaine qu'en buvant du vin de Bordeaux. Et en buvant, comme il en buvait, car dandy en tout, il l'était dans sa manière de boire comme dans tout le reste. Il buvait comme un Polonais. Il s'était fait faire un splendide verre en cristal de Bohême, qui jaugeait, Dieu me dame, une bouteille de Bordeaux tout entière, et il le buvait d'une haleine. Il ajoutait même, après avoir bu, qu'il faisait tout dans ces proportions-là, et c'était vrai. Mais dans un temps où la force sous toutes les formes s'en va diminuant, on trouvera peut-être qu'il n'y a pas de quoi être fat. Il l'était à la façon de Bassompierre, et il portait le vin comme lui. Je l'ai vu sabler 12 coups de son verre de Bohême, et il n'y paraissait même pas. Je l'ai vu souvent encore dans ses repas que les gens décents traitent d'orgie, et jamais il ne dépassait, après les plus brûlantes lampées, cette nuance de griserie qu'il appelait, avec une grâce légèrement soldatesque, être un peu pompette, en faisant le geste militaire de mettre un pompon à son bonnet. Moi qui voudrais vous faire bien comprendre le genre d'homme qu'il était, dans l'intérêt de l'histoire qui va suivre, pourquoi ne vous dirais-je pas que je lui ai connu cette maîtresse en pied à la fois, à ce bon bragard du 19e siècle, comme l'aurait appelé le 16e en sa langue pittoresque. Il les intitulait poétiquement les 7 cordes de sa lyre, et certes je n'approuve pas cette manière musicale et légère de parler de sa propre immoralité. Mais que voulez-vous, si le capitaine vicomte de Brassard n'avait pas été tout ce que je viens d'avoir l'honneur de vous dire, mon histoire serait moins piquante, et probablement n'eussais-je pas pensé à vous la conter. Il est certain que je ne m'attendais guère à le trouver là, quand je montais dans la diligence de... à la patelois du château de Rueil. Il y avait longtemps que nous ne nous étions vus, et j'eus du plaisir à rencontrer, avec la perspective de passer quelques heures ensemble, un homme qui était encore de nos jours, et qui différait déjà tant des hommes de nos jours. Le vicomte de Brassard, qui aurait pu entrer dans l'armure de François Ier, et s'y mouvoir avec tant d'aisance que dans son svelte frac bleu d'officier de la garde royale, ne ressemblait ni par la tournure, ni par les proportions, au plus vanté des jeunes gens d'à présent. Ce soleil couchant d'une élégance grandiose et si longtemps radieuse aurait fait paraître bien Maigrelet et bien Palot, tous ces petits croissants de la mode, qui se lèvent maintenant à l'horizon. Beau de la beauté de l'empereur Nicolas, qu'il rappelait par le torse, mais moins idéal de visage et moins grec de profil, il portait une courte barbe, restée noire, ainsi que ses cheveux, par un mystère d'organisation ou de toilette, impénétrable, et cette barbe envahissait très haut ses joues d'un coloris animé et mâle. Sous un front de la plus haute noblesse, un front bombé sans aucune ride, blanc comme le bras d'une femme, et que le bonnet à poil du grenadier qui fait tomber les cheveux, comme le casque en le dégarnissant un peu au sommet, avait rendu plus vaste et plus fier le vicomte de Brassard caché presque, tant ils étaient enfoncés sous l'arcade sourcilière, deux yeux étincelants, d'un bleu très sombre, mais très brillant dans leur enfoncement, et piquant comme deux saphirs taillés en pointe. Ces yeux-là ne se donnaient pas la peine de scruter, et ils pénétraient. Nous nous prîmes la main, et nous causâmes. Le capitaine de Brassard parlait lentement, d'une voix vibrante qu'on sentait capable de remplir un champ de Mars de son commandement. Élevé dès son enfance, comme je vous l'ai dit, en Angleterre, il pensait peut-être en anglais. Mais cette lenteur, sans embarras du reste, donnait un tour très particulier à ce qu'il disait, et même à sa plaisanterie, car le capitaine aimait la plaisanterie. Il l'aimait même un peu risquée. Il avait ce qu'on appelle le propos vif. Le capitaine de Brassard allait toujours trop loin, disait la comtesse de F., cette jolie veuve qui ne porte plus que trois couleurs depuis son veuvage, du noir, du violet et du blanc. Il fallait qu'il fût trouvé de très bonne compagnie, pour ne pas être souvent trouvé de la mauvaise. Mais quand on est réellement, vous savez bien qu'on se passe tout au faubourg Saint-Germain. Un des avantages de la causerie en voiture, c'est qu'elle peut cesser quand on n'a plus rien à se dire, et cela sans embarras pour personne. Dans un salon, on n'a point cette liberté. La politesse vous fait un devoir de parler quand même, et on est souvent puni de cette hypocrisie innocente par le vide et l'ennui de ces conversations où les sots, même nés silencieux, il y en a, se travaillent et se détirent pour dire quelque chose et être aimable. En voiture publique, tout le monde est chez soi autant que chez les autres, et on peut, sans inconvenance, rentrer dans le silence qui plaît et faire succéder à la conversation la rêverie. Malheureusement, les hasards de la vie sont affreusement plats. Et jadis, car c'est jadis déjà, on montait 20 fois en voiture publique, comme aujourd'hui 20 fois en wagon, sans rencontrer un causeur animé et intéressant. Le vicomte de Brassard échangea d'abord avec moi quelques idées que les accidents de la route, les détails du paysage et quelques souvenirs du monde où nous nous étions rencontrés autrefois avaient fait naître, puis le jour déclinant nous versa son silence dans son crépuscule. La nuit qui en automne semble tomber à pic du ciel, tant elle vient vite, nous saisit de sa fraîcheur, et nous nous roulâmes dans nos manteaux, cherchant de la tempe le dur coin qui est l'oreiller de ceux qui voyagent. Je ne sais si mon compagnon s'endormit dans son angle de coupé, mais moi je restais éveillé dans le mien. J'étais si blasé sur la route que nous faisions là, et que j'avais tant de fois faite, que je prenais à peine garde aux objets extérieurs, qui disparaissaient dans le mouvement de la voiture, et qui semblaient courir dans la nuit en sens opposé à celui dans lequel nous courions. Nous traversâmes plusieurs petites villes, semées, çà et là, sur cette longue route que les postillons appelaient encore un fier ruban de queue, en souvenir de la leur, pourtant coupée depuis longtemps. La nuit devint noire comme un four éteint, et dans cette obscurité, ces villes inconnues par lesquelles nous passions avaient d'étranges physionomies, et donnaient l'illusion que nous étions au bout du monde. Ces sortes de sensations que je note ici, comme le souvenir des impressions dernières d'un état de choses disparues, n'existent plus, et ne reviendront jamais pour personne. À présent, les chemins de fer, avec leur gare à l'entrée des villes, ne permettent plus aux voyageurs d'embrasser, en un rapide coup d'œil, le panorama fuyant de leurs rues, au galop des chevaux d'une diligence qui va, tout à l'heure, relayer pour repartir. Dans la plupart de ces petites villes que nous traversâmes, les réverbères, ce luxe tardif, étaient rares, et on y voyait certainement bien moins que sur les routes que nous venions de quitter. Là, du moins, le ciel avait sa largeur, et la grandeur de l'espace faisait une vague lumière, tandis qu'ici le rapprochement des maisons qui semblait se baiser, leur ombre portée dans ces rues étroites, le peu de ciel et d'étoiles qu'on apercevait entre les deux rangées des toits, tout ajoutait au mystère de ces villes endormies, où le seul homme qu'on rencontra était, à la portée de quelque auberge, un garçon d'écurie avec sa lanterne, qui amenait les chevaux de relais et qui bouclait les ardillons de leur attelage, en sifflant ou en jurant contre ses chevaux récalcitrants ou trop vifs. Or cela, et l'éternelle interpellation, toujours la même de quelques voyageurs ahuris de sommeil, qui baissaient une glace et criaient dans la nuit rendue plus sonore à force de silence, « Où sommes-nous donc, postillon ?» Rien de vivant ne s'entendait et ne se voyait autour, et dans cette voiture pleine de gens qui dormaient, en cette ville endormie, où peut-être quelques rêveurs comme moi cherchaient, à travers la vitre de son compartiment, à discerner la façade des maisons estompées par la nuit, où suspendait son regard et sa pensée à quelques fenêtres éclairées, encore à cette heure avancée, en ces petites villes aux mœurs réglées et simples, pour qui la nuit était faite surtout pour dormir. La veille d'un être humain, ne fût-ce qu'une sentinelle, quand tous les autres êtres sont plongés dans cet assoupissement, qui est l'assoupissement de l'animalité fatiguée, a toujours quelque chose d'imposant. Mais l'ignorance de ce qui fait, veiller derrière une fenêtre au rideau baissé, où la lumière indique la vie et la pensée, ajoute la poésie du rêve à la poésie de la réalité. Du moins pour moi, je n'ai jamais pu voir une fenêtre, éclairée la nuit, dans une ville couchée par laquelle je passais, sans accrocher à ce cadre de lumière un monde de pensée, sans imaginer derrière ces rideaux des intimités et des drames. Et maintenant, oui, au bout de tant d'années, j'ai encore dans la tête de ces fenêtres qui sont restées éternellement et mélancoliquement lumineuses et qui me font dire souvent, lorsqu'en y pensant je les revois dans mes songeries, « Qu'y avait-il donc derrière ces rideaux ?» Eh bien, une de celles qui me sont restées le plus dans la mémoire, mais tout à l'heure vous en comprendrez la raison, est une fenêtre d'une des rues de la ville de, par laquelle nous passions cette nuit-là. C'était à 3 maisons. Vous voyez si mon souvenir est précis, au-dessus de l'autel devant lequel nous relayons. Mais cette fenêtre, j'eus le loisir de la considérer plus de temps que le temps d'un simple relais. Un accident venait d'arriver à une des roues de notre voiture, et on avait envoyé chercher le charron qu'il fallut réveiller. Or, réveiller un charron dans une ville de province endormie et le faire lever pour resserrer un écrou à une diligence qui n'avait pas de concurrence sur cette ligne-là n'était pas une petite affaire de quelques minutes. Que si le charron était aussi endormi dans son lit qu'on l'était dans notre voiture, il ne devait pas être facile de le réveiller. De mon coupé, j'entendais à travers la cloison les ronflements des voyageurs de l'intérieur, et pas un des voyageurs de l'impérial, qui, comme on le sait, ont la manie de toujours descendre dès que la diligence arrête. Probablement, car la vanité se fourre partout en France, même sur l'impérial des voitures, pour montrer leur adresse à remonter n'étant descendu. Il est vrai que l'hôtel, devant lequel nous nous étions arrêtés, était fermé. On n'y soupait point. On avait soupé au relais précédent. L'hôtel sommeillait, comme nous. Rien n'y trahissait la vie. Nul bruit n'en troublait le profond silence, si ce n'est le coup de balai monotone et lassé de quelqu'un, homme ou femme, on ne savait, il faisait trop nuit pour bien s'en rendre compte, qui balayait alors la grande cour de cet hôtel muet, dont la porte cochère restait habituellement ouverte. Ce coup de balai traînard sur le pavé avait aussi l'air de dormir, ou du moins d'en avoir diablement envie. La façade de l'hôtel était noire comme les autres maisons de la rue, où il n'y avait de lumière qu'à une seule fenêtre. Cette fenêtre que précisément j'ai emportée dans ma mémoire et que j'ai là toujours sous le front, la maison dans laquelle on ne pouvait pas dire que cette lumière brillait, car elle était tamisée par un double rideau cramoisi, dont elle traversait mystérieusement l'épaisseur, était une grande maison, qui n'avait qu'un étage, mais placée très haut.